Le petit commerçant se lève dès l'aurore. Il l'a le jour et plus souvent tard encore. Et quand le soir enfin il ferme sa boutique, il sera pour certains le sujet des critiques. Et pourtant sa journée n'est pas encore finie. Il lui faut tout ranger et calculer les prix, préparer ses achats, garnir ses comptoirs. Demain il recommence et il faut tout prévoir. Certes, il a moins de choix que les grands magasins, mais il peut conseiller, il connaît vos besoins. Il s'intéresse à vous, écoute vos histoires. Et quand on est pressé, c'est lui que l'on va voir. C'est chez lui, on peut parler avec son voisinage. C'est chez lui qu'on demande à mettre un affichage. Le nouvel arrivant se sent un peu moins seul quand de son magasin il a franchi le seuil. On dit qu'il vend plus cher que les grandes surfaces, mais du matin au soir c'est lui qui est sur place. Et quand il est trop tard pour sortir sa voiture, on va frapper chez lui après la fermeture. À trop vouloir courir pour avoir un prix, un jour les villageois à leur jeu seront pris. Les commerçants alors auront plié bagages et boutiques fermées, c'est la mort du village.